Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Télévision, une télé-réalité d'arnaque offre le prince Harry comme futur époux. Ensuite, on pourrait lui donner une sitcom, on pourrait l'appeler How I Met Your Majesty. Et dans le segment Geeks et Geeks, Google Maps, la Google Maps qui vous dit où faire la sieste, comme on dit, quand vous voulez faire une sieste, il y a une nappe pour ça. Une nappe, sieste. Tout ça en plus de cette fête avec les chaînes de la geek avant de venir au Mathieu Plancheau avec Mathieu Plancheau tout de suite. Voici celui... celui qui cherche une app qui expliquerait ses jeux de mots aux autres. Et voilà. Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante. Bonjour, Mathieu Plante. Je m'appelle... En fait, comment est-ce que je m'appelle déjà? Je dirais Mathieu Plante. Mathieu Plante, je pensais ça. Comme toujours, j'ai besoin de quelqu'un avec qui jaser, donc j'accueille ma co-animatrice Marie-Ève Picard. Bonjour. Bonjour. Qui a la difficulté à trouver sa phrase, mais quand ben même. Ben oui. J'étais distraite comme j'avais pas mes écouteurs. Je l'entendais comme fou. Et là, je me dis, oh non, c'est vrai, j'ai une phrase à dire. Cacophonie. Mais là, il était trop tard. Mais c'est pas grave, tout le monde te pardonne, j'en suis certain. Dans quelques minutes, on va débuter avec Télévision, mes avancées. Écoutons un petit peu de musique chiptune. Ah oui, bien. T'as pas d'écouteurs, ça tombe bien, tu pourras pas l'entendre. Ben oui, c'est ça, exact. Je vais te monter le volume dans le studio, tu pourras pas ça. Donc, on commence avec un premier extrait. En fait, ça commence avec un groupe. Je sais pas comment qualifier ça. Je suis pas un expert en rock et métal, mais je dirais, tu sais, ça sonne, là, tu sais, rock classique style. Je voudrais pas dire que c'est du rock classique comme l'émission rock classique direct. Ben oui, hein, faudrait pas l'avertir à l'enfant. C'est ça. On se va entendre un réarrangement d'une pièce que vous allez reconnaître. C'est la chanson thème de Tetris par Critical Hit tout de suite au Mathieu Plante Show. Ah, ben là, je regrette peut-être de pas avoir d'écouteurs. Ben, c'est ça. À la seule radio qui diffuse du vrai rock, sauf que je sais pas si ça en est vraiment, à Trois-Rivières. Du vrai chiptune! Ah, c'est bon, ça! Hein? wow, que c'est épique, cette version remixée par Critical Hit de la chanson thème de Tetris avec le compositeur en chef Jason Hayes. C'est très, très, tu sais, il y avait de la batterie, il y avait de la basse, il y avait de la guitare, il y avait de la flûte, il y avait du piano, il y avait des violons, c'était comme pas d'ailleurs, c'est super épique. Critical Hit. Il y avait tout. Tout est là, tout. Juste pour vous. C'est le Mathieu Plante Show et on continue, on commence en fait avec la première chronique. Voici Television, Television. C'est Television, Television, la chronique télévisuelle. Et on est dans une période un petit peu creuse, je dirais, au mois d'avril. T'sais, on est entre la période où on annonce toutes les nouvelles émissions, oui. Au mois de mars, et la saison où les finales sont là, au mois de mai. Là, en avril, il se passe pas grand-chose. Hein? Ouais, ben c'est pas comme la température. Hein? Ouais, en avril, ne te découvre pas de fil. Mais non, c'était pas dans ce sens-là. Là. C'était plus pour dire que c'est comme le moment où c'est ça se fond, il y a rien à faire. Là, c'est chaud, c'est frais. Exactement. Voilà. Tiens, commençons à un endroit où il fait soit chaud, soit froid, on sait jamais trop, à Montréal. En fait, c'est une série britannique qui va être tournée à Montréal. OK. Ouais, donc la mini-série britannique Jonathan Strange and Mr. Norrell, produite par la chaîne BBC One, sera en partie tournée au Québec. Une douzaine de jours de tournage sont prévus à compter de la fin avril. La mini-série est coproduite par la boîte montréalaise Adlib Films. Le scénario est adapté d'un roman best-seller du même titre qui est un peu comme un Harry Potter pour les adultes. Oh! C'est intéressant. Ouais, oui. L'histoire se déroule pendant les guerres napoléoniennes, oui. Ils ont déjà tourné une grande partie de la série en Angleterre et la post-production va se faire par la suite à Montréal. Oh! Donc des scènes à Montréal et ensuite la post-production aussi à Montréal. C'est quand même... C'est bien, ben oui. C'est bon pour les emplois. Oh, exact, ben oui. François Arnault va jouer avec Maggie Q. Le comédien québécois François Arnault donnera la réplique à l'actrice américaine Maggie Q dans Red Flag, une série télé inspirée de l'histoire de Ching Si, un redoutable pirate de la mer de Chine. Mais c'est qui déjà Maggie Q, donc? C'est la fille qui joue dans Nikita, la version la plus récente. Ah, OK. Donc, c'est donc dire qu'après The Borgias, M. Arnault rembarque dans une autre série d'époque. L'action de cette série est en effet campée au début des années 1800. Selon l'histoire, Ching Si aussi a d'abord été prostituée dans un bordel de canton. Capturée par des pirates, elle se marie avec l'un d'eux, Jiang Yi, en 1801. On peut s'imaginer que ça va être elle, Maggie Q, parce qu'elle est asiatique. Elle a pris la tête d'une... Elle a pris la tête d'une armada de bateaux pirates et aux commandes d'une flotte de quelques 1500 navires et près de 100 000 hommes, elle terrorisa la mer de Chine durant de nombreuses années. Dans la série, François Arnault, qu'on a vu dans American Gigolos, Les Grandes Chaleurs et J'ai tué ma mère, incarnera le rôle de Carlito, un navigateur... un navigateur portugais aux trousses de la chef pirate, mais qui deviendra éventuellement son amant. Le projet de série est sous la direction du Independent Television Group, qui signe la production pour ensuite trouver une chaîne de télé à qui vendre le projet. Et le tournage doit commencer cet automne en Malaisie. Oh! Malaisie! C'est très drôle, ça, hein? Non, quand tu demandes le rire. BDQC, une série de documentaires animés pour donner la piqûre de la bande dessinée. Oh. Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui! Ici RTV, donc ça c'est le nouveau nom de RTV, diffusera à compter du 6 avril l'émission BDQC, une série de 10 documentaires de 22 minutes animés par la comédienne Sophie Cadieux, qui plonge dans l'univers de plusieurs grands noms de la bande dessinée québécoise comme Michel Ravagliati ou Jimmy Beaulieu. Le scénariste et réalisateur de la série est Denis Blaquière. Son idée, c'était de faire rentrer les téléspectateurs dans l'imaginaire des BDistes, de faire découvrir leur cheminement créatif en ayant recours aux techniques d'animation des dessins. Donc, les entrevues se déroulent en grande partie à l'intérieur des planches et des cases de leur bande dessinée à eux. Oh. On les voit dans les cases. Wow. Donc, RTV qui souhaitait depuis un bon moment mettre la bande dessinée en avant, mais elle attendait le bon projet. Sophie Cadieux, elle est une grande lectrice de bande dessinée, nous dit-on. Plus qu'animatrice, elle dit avoir joué un rôle de guide des auteurs durant le tournage, donc pour leur dire comment est-ce qu'ils devraient agir dans les cases des bandes dessinées pour faire les entrevues. Donc, c'est cool, c'est sur RTV, et ça s'en vient très bientôt. Je dirais même que c'est très classe. Oui, c'est très classe. Classe. Je pense que tu te souviens pas ou... Non, en fait, non. C'est une référence à son personnage dans Les Invincibles. C'est ce que j'en ai déduit dans les... Whatatatao, tu vois. Ah oui. J'étais proche, mais je me disais que si je montrais que j'avais pas le référent, j'aurais l'air fou. Fait que, mais bon, tu l'as dit, hein? Et voilà. C'est ça, je le savais pas. Bravo pour tous les autres qui l'avaient trouvé. Ben, c'est ça, vous êtes meilleurs que moi. Whatatatao, c'est pourtant ma génération. Ben, j'ai écouté beaucoup. Mais, et puis, il repasse en plus au canal Prise 2, oui. Mais non. Tiens, on va revenir avec une autre chaîne à la Prise 2. C'est une très bonne transition que tu as trouvée là, Marie-Ève, ben, par merci, hasard total. J'ai pas voulu, mais je suis bien contente. C'est la chaîne Ici Trésor qui n'arrivera pas avant 2015, en fait. La chaîne Ici Trésor va rester dans son coffre à souvenirs au moins jusqu'en 2015. Et la direction... Non, c'est vrai. c'est l'article, c'est même pas moi. C'est un beau jeu de mots, c'est Richard Thérien, félicitons-le, oui. Au soleil. Donc, la direction de Radio-Canada souhaite attendre la fin des compressions à l'interne avant de relancer les projets de cette chaîne rétro. La programmation de Trésor, qui devait d'abord entrer en ondes en 2013, doit se composer de classiques de la télé et du cinéma, de même que l'émission originale orientée vers la nostalgie. Des émissions pilotes avaient d'ailleurs été tournées, entre autres avec André Robitaille. Donc, on assure que le matériel n'est pas gaspillé, ce qui a été tourné, et qu'il sera réutilisé dans d'autres émissions et sur la future chaîne, donc peut-être dans des émissions qui existent déjà ailleurs qu'à Trésor, et puis peut-être à Trésor une fois que ça arrivera, si ça a lieu bientôt. Deux personnes travaillent au développement de Trésor à l'interne. C'est une petite expérience pour l'instant. Deux personnes, c'est pas beaucoup, là. Non? Ben, c'est un duo. C'est, en effet, c'est un couple, certains diraient. Ouais. C'est une... en tout cas. Dos stress. Ouais. Allons-y avec le sujet qui a bouclé notre première notre intro tout à l'heure. Qui veut marier le prince Harry? Moi. Toi, ouais, ouais. Bonne chance. Hein? Ben, peut-être que tu aurais pu t'inscrire à cette série-là qui est déjà tournée au complet. Oh. Fox permettra à une douzaine de femmes célibataires de réaliser leur rêve de petite fille, devenir princesse. Là, évidemment, je lis le début de l'article qui laisse faire semblant que c'est vrai. Grâce à l'émission I Wanna Marry Harry, les heureuses élues partiront à la conquête du cœur de l'un des célibataires les plus convoités du monde, le prince Harry. Mon Dieu. Tu trouves beau? Ben non. Okay. Ben non, c'est juste pour son argent. C'est comme ça pour bien des gens, j'imagine. Programmée à partir du 27 mai prochain, cette nouvelle télé-réalité enverra des Américaines en Angleterre à la rencontre de l'Altesse royale, dans la magnifique demeure d'Egglesfield dans le Berkshire. Pendant plusieurs semaines, elles tenteront de découvrir le vrai Harry, de le séduire et d'obtenir, si possible, sa main. En tout cas, c'est l'histoire que leur a vendue la Fox lors d'un tournage de l'émission l'été dernier. Enregistrée dans le plus grand des secrets sous le titre « Dream Date », donc, ces femmes rencontreront Matthew Hicks, un sosie du prince. C'est dans le même moule que Joe Millionaire et autres My Big Fat Annoying Obnoxious Boss et Fiancé, les deux séries Arnaque, où on faisait semblant que c'était un vrai patron qui allait t'engager. C'est le même format. Ok, je comprends, là. Ça va être vraiment très, très bon. J'ai adoré ces séries-là. Oui. J'adore ça. Ah, si mais vous pouvez mettre la main là-dessus. Ouais. Ah, mais de la manière que tu parlais, en tout cas, au début, là, je croyais pas que ce serait ça. Je pensais que c'était vraiment... il voulait faire quelque chose de sa vie, là. Puis, il avait décidé de faire une télé-réalité, mais de faire à semblant... T'aurais fait une bonne candidate, alors. De faire à semblant qu'il cherchait quelqu'un. Mais tu vois qu'il aurait marié une des 12 filles là-dedans, là. Et l'idée, c'est que le sosie ressemble pas mal au prince Harry. Mais c'est pas grave parce que les filles connaissent pas nécessairement le visage parfait exactement. Ouais, dans la vraie vie. C'est là. Ça, parce qu'on le voit juste dans les magazines. Ben oui, c'est ça. N'importe qui pourrait tomber. Là. Il peut être retouché, donc peut-être que dans la vraie vie, il a l'air un petit peu différent. Ça, c'est normal. C'est ça. Bref, l'idée est vraiment très, très bonne. Et ben encore une fois, My Big Fat Obnoxious Fiancé et Boss, surveillez ça, c'est votre travail. Ah, ben Colin. Ça s'en vient à partir du 27 mai sur la Fox. Cool. Maintenant, les tendances de demain à la télévision. Un article de Agence France Presse. Série diffusée en avant-première sur les sites des chaînes. Émission de télé-réalité avec abonnement. Les modes de consommation du petit écran se diversifient selon l'étude globale de l'Institut français Médiamétrie. Le rapport de la première édition sur l'année 1993 portait sur 13 territoires en Europe, 321 millions de téléspectateurs potentiels et 59 chaînes. Étudie 20 ans plus tard, plus de 100 territoires dans le monde, plus de 3 milliards de téléspectateurs et plus de 5500 chaînes. Côté équipement, usage et mesure, 2013 enregistre la deuxième meilleure durée d'écoute, après le record absolu de 2012. L'an dernier, le monde a regardé la télé 3h et 14 minutes par jour contre 3h et 17 minutes en 2012. On parle d'une moyenne, évidemment. Sur un panel plus réduit de 48 pays situés un peu partout dans le monde, la durée moyenne d'écoute quotidienne par individu a augmenté de 15 minutes en 10 ans, donc passant de 3h38 en 2003 à 3h53 en 2013 par jour. Mmh. On s'entend que c'est beaucoup de télé. Oui. Les États-Unis qui étaient déjà à 4h03 en 93 et s'approchent désormais des 5h par jour avec 4h53. Wow, hein? Mais tu sais, ça, c'est peut-être les gens qui, des fois, font une petite sieste sur une émission, des fois, tu sais, s'endorment sur le late show, peu importe, là. Ouais. Ça compte tout ça. Le rapport illustre l'évolution des usages avec le cas du Royaume-Uni, un pays souvent en pointe en Europe, où un épisode de la série Doctor Who a ramassé 6,2 millions de téléspectateurs le 25 décembre, le jour de sa diffusion à la télé. Ouais, c'était Noël, là, hein? Avant de doubler son audience à 11,6 en y ajoutant la télévision de rattrapage, qu'on appelle en français, en France, pas ici. Donc, ici, on appellerait ça juste tout.tv. Non, c'est pas vrai. On appelle ça aussi les machines Bell, ou Cogeco qui permettent d'enregistrer et regarder plus tard. Oui. Donc, si on ajoute ça sur les 28 jours suivant la diffusion, ça a augmenté de 6,2 à 11,6 au Royaume-Uni pour l'épisode de Doctor Who. 2013 signe également le retour sur le devant de la scène de la fiction, qui avait été éclipsée par le divertissement, donc en les télé-réalités, en 2012. La fiction a représenté en 2013 42% des programmes les plus performants, contre 37% pour le divertissement et 21% pour le factuel, ce qu'on appelle donc l'information, le documentaire. En télévision de rattrapage, le modèle gratuit reste dominant, mais les formules combinant une partie gratuite et des options payantes gagnent du terrain au Royaume-Uni, comme chez RTL et SBS, en Suède via le Viaplay, en Espagne via Atresmedia Media ou au Royaume-Uni. Ces formules payantes, y compris pour des chaînes gratuites, proposent plus de directs, zéro publicité et des fenêtres de rattrapage élargies. Donc, on parle de 28 jours pour regarder ton émission au lieu de 7 jours sur les sites Internet des stations. Parce que ça, le rattrapage, ce qui est fou là-dedans, c'est que quand on parle de télé par rattrapage, ce qu'on veut souvent dire en France, c'est les sites web des stations où tu peux aller regarder pendant 7 jours l'émission de télé que tu veux. Mm-hmm. Ce qu'on appelle genre enregistrement numérique, peut-être, serait le terme plus approprié pour les boîtes, comme on a dit tantôt. Oui. Donc, mon erreur, j'essaie de vous différencier ça. C'est pas les mêmes termes qu'ici. Toujours plus d'interactivité. Aux États-Unis, l'émission X Factor permettait de voter via la célèbre application de reconnaissance musicale Shazam. Tu pouvais voter pour l'émission par Shazam. Oh. Tandis que la 13e émission de American Idol faisait passer les votes par le moteur de recherche Google. OK. Utopia, la nouvelle série de télé-réalité dont on a parlé récemment du créateur néerlandais de Big Brother, John de Mol, lancée en janvier en Europe, offrait une formule d'abonnement à 2,50€ par mois pour accéder à une diffusion 24 heures sur 24 sans pub avec des caméras 360 degrés et des bonus. Donc ça, c'est la formule, le package deal, l'emballage familial. Mais il y a vraiment du monde qui paye pour voir ça 24 heures sur 24. Tu vas peut-être pas les regarder 24 heures sur 24, mais ils sont disponibles pendant ce temps-là. Donc, tu arrives à la maison, tu allumes ça, tu vois les gens travailler ou vivre leur vie dans leur propre société. C'est ça. Utopia, c'est comme un genre de Big Brother, mais tout le monde doit construire une société. Une ville, une société, C'est comme un Sims version humaine, si on veut. Exact. Très intéressant. Vrai. Mais j'ai hâte de voir Utopia. La version américaine s'en vient, on avait parlé de ça, c'est sur Fox. Ensuite, et en fait, pour terminer, on parle un petit peu d'Internet, comme on le fait tout le temps, Québec, Canada, États-Unis, international, et ensuite les versions Internet de tout ça. Amazon poursuit ses efforts dans la vidéo en ligne avec l'annonce de 6 nouveaux projets de séries originales, dont 2 pour enfants, et d'une deuxième saison pour l'une de ses premières productions maison lancée l'an dernier. Les nouveaux projets du géant de la distribution en ligne comprennent, entre autres, une série dramatique conçue par le créateur d'Aux frontières du réel, The X-Files, Chris Carter. Ça va s'appeler The After. Une série policière basée sur des romans de Michael Connelly, qu'on connaît pour Bosch, ou encore une comédie dramatique sur le sexe, la drogue et la musique classique. Mozart in the Jungle avec les acteurs mexicains Gael Garcia Bernal et le britannique Malcolm McDowell. Cette nouvelle série, dont la date de diffusion n'est pas encore précisée, porte à 13 le projet de série en développement d'Amazon selon le site des studios. Amazon diffuse entre avril 2013 et janvier 2014 une première saison de 11 épisodes pour 2 séries originales. C'est Alpha House, consacré à des sénateurs républicains, et Betas, sur des créateurs d'applications à la recherche d'investisseurs. Le groupe a aussi indiqué lundi avoir décidé de produire une deuxième saison pour Alpha House, mais pas pour Bethesda. La production va débuter cet été. Les séries originales d'Amazon sont diffusées en exclusivité sur son service Prime, qui donne accès à un catalogue de contenu numérique en plus d'une livraison gratuite en 2 jours pour toute commande sur le site. Évidemment, tout ça va ensemble. T'as un shipping accéléré et des émissions de télé. Contrairement à Netflix, qui sort en bloc les saisons complètes, Amazon commence jusqu'ici par diffuser un pilote. Et si l'accueil est bon, on va ensuite lancer la production de la saison. Mm-hmm. Donc, c'est pas le même fonctionnement. Tantôt, j'ai dit que Bethesda ne revenait pas. C'était pas spécifié dans l'article, j'y vais de mémoire, je ne suis pas certain. Mais ce qu'on sait, c'est Alpha House qui va revenir. Voilà pour Télévision. Ben, ça fait un bon tour, finalement. Ouais, il se passe pas grand-chose, mais c'est intéressant quand même. Ouais, mais ce qui se passe... Belle raison. Tantôt, le bloc, c'est un Fate Edition. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre pièce. Ben oui, tu m'as devancé comme si tu savais le plan par cœur. C'est drôle, hein? Aïe, aïe. On s'en va entendre l'artiste Ocean Palace. Voici Hyper Jammer MPS, le Mathieu Plante Show. On the Seifu FM. 89 Radio. Just for you. Yo. Depuis quand on parle en anglais? Je sais pas. Toaster, yes, no. Yes, no, toaster, partner. Partner. Yeah. Ocean Palace et Hyper Jammer. Mathieu Planchot. Ça, là, c'était bon. C'était court, bref, mais très intense. Efficace. Ce qui nous amène à cette Authentic Edition. Ah oh, non, c'est pas ça. Hey. J'étais tellement prêt, ça sent. Mathieu! Ça s'enfilait comme c'était. C'est ce qui nous amène à cette Authentic Edition. Oh, boum! Je pense que c'était bon, ça. Ah oui? Perfect. Oui, c'est ce qui m'apprendra à mettre les fenêtres dans l'ordre, tu vois. Donc, c'est un fait Technician, c'est la collègue, la consoeur, si on veut, de C'est un fait, où on parle de choses diversifiées, des faits, mais dans le domaine technologique, donc dans ce cas-ci, des jeux vidéo. Voilà. Hein? Commençons avec Killer Instinct Gold sur la Nintendo 64. Killer Instinct Gold qui a démarré, en fait, ça devait s'appeler Killer Instinct 2 sur la Super Nintendo, très, très à la fin de la vie de la console. Mais par contre, la production a finalement changé pour la Nintendo 64, l'étape suivante. Et le nom, le titre du jeu a changé pour Killer Instinct Gold. Et je crois même que la cassette était dorée. Donc, c'était au moins trouver un nom plus fun que juste le deuxième, t'sais. J'avoue que ça reste un peu blatte, deux. Ouais. Mais Killer Instinct est un jeu de combat très, très, ben, tu sais, pas réaliste, mais avec des graphiques très particuliers. J'aime vraiment leur look à ce jeu-là. Je l'imagine vraiment pas sur la Super Nintendo, vraiment. Non? Non, vraiment. Quoi? Je sais pas, ça ferait bizarre. Le style tellement particulier dans, mm-hmm. dans le design très, très rond et doré. OK. Pas doré, plus genre 3D. Ça ferait bizarre. Maintenant, parlons de Rayman sur l'Atari Jaguar, PC, PlayStation et Saturn. Le jeu, à l'origine, était supposé sortir, lui aussi, sur Super Nintendo. Il y a bien des choses qui devaient se passer sur Super Nintendo. Ben oui. Il y avait un mode coop à deux joueurs et les graphiques étaient très, très différents. C'était presque complété. Le jeu était vraiment rendu presque à la fin, mais Ubisoft a décidé d'amener ça sur une console CD-ROM. On ne sait pas pourquoi. Donc, ils ont engagé des animateurs, donc des gens qui font du dessin animé, de cartoon, vraiment, pour améliorer les graphismes du jeu. Mm-hmm. Et c'est sorti, finalement, sur PlayStation, PC et les autres consoles que j'ai mentionnées tantôt. D'ailleurs, si j'ouvre la page, allez voir, il y a une photo de la version Super Nintendo qui était supposée avoir lieu sur assemblagerequis.com. Maintenant, pour Kane & Lynch 2 Dog Days sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, dans la version japonaise du jeu, il y a un filtre à pixels. C'est comme un filtre de pixelisation qui fait que les tirs sur les faces, des headshots, donc les tirs à la tête, les coups de balle, et dans les cutscenes, donc les scènes qui vont entre les périodes où on joue vraiment, c'est des genres de cinématiques qu'on appelle, donc les scènes scriptées, c'est les censures, bref. Et dans la version japonaise du jeu, le filtre est enlevé, donc on voit vraiment les vrais tirs sur les têtes des gens. Par contre, la nudité dans la version internationale, par exemple, la copine du gangster qui se fait tirer dans le chapitre 1 ou Kellen Lynch pendant le chapitre 6 qui ont des relations sexuelles, pardon, je m'excuse, on a changé de domaine ici, c'est des relations sexuelles, sont remplacées par des sous-vêtements dans la version japonaise. Mais oui. Donc, tu regardes la version internationale, on voit de la pixelisation. Ouais. Qui, dans la version japonaise, on se rappelle qu'on a enlevé la pixelisation, sauf qu'on a remplacé ça par des sous-vêtements pour les scènes de sexe. Hey. Mais la violence, tire de balles dans la tête, pas de problème. Ouais, ça, c'est pas grave. Il y en a pas de problème. Ouais, non. Ben, moi, tant qu'à ça, j'aime autant avoir de la pixelisation qu'à de voir des bobettes. Mais surtout que c'est des scènes de sexe, donc. Ça fait comme genre pas de sens. Je trouve. Pour moi non plus. Maintenant, pour Elder Scrolls V Skyrim, un jeu très connu Skyrim sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, Bethesda a été approché pour faire un jeu de rôle. Bethesda, c'est la compagnie qui a fabriqué Elder Scrolls. Ils ont été approchés pour faire un jeu de rôle basé sur Game of Thrones, A Song of Fire and Ice, Ice and Fire, le livre. Donc, ils ont refusé l'offre pour focusser sur Skyrim à la place. Ah! Ce qui a mené vers un énorme succès pour Skyrim, mais ce qui aurait pu peut-être encore plus avoir du succès si on avait fait un jeu sur Game of Thrones qui, en ce moment, est super à la mode. Ouais. Mais bon, je suis sûr qu'ils sont pas à plein. Non, c'est ça. Yeah. Des fois, dans la vie, tu fais des erreurs. Ben voilà, il faut faire des choix. Ça arrive. Oui, il faut faire des choix et accepter son choix. Kinect Sports maintenant sur Xbox 360. En 2007-2008, Rare, qui est la compagnie derrière Kinect Sports, c'est derrière Donkey Kong Country, derrière un paquet de jeux comme ça, Rare a débuté le développement d'un jeu qui s'appelait Avatar Sports, qui allait mettre en vedette un système de détection du mouvement un petit peu comme la Wii fait, finalement. Mais quand Microsoft a révélé Project Natal, qui est devenu Kinect par la suite, Rare, qui s'était fait acheter par Microsoft, ça devient mêlant, a décidé de sauver certaines parties du jeu Avatar Sports et les réutiliser pour faire un jeu qui est devenu Kinect Sports. Oh. Eh ben, Il s'en passe des développements. Mais oui. Maintenant, un jeu fétiche pour bien les gens. On parle de GoldenEye 007. Selon Martin Hollis de chez Rare, qui est encore la même compagnie Rare, le concept d'ajouter plusieurs objectifs par tableau dans le jeu GoldenEye 007, tu dois compléter plusieurs objectifs à chaque tableau. Et ça, ça a été inspiré, selon eux-mêmes, Rare, du design de Super Mario 64. Hein? Un jeu pour enfants, disons-le, familial plus. Donc, Mario 64 qui a inspiré le jeu très violent. GoldenEye 007, où tu tires sur tout le monde. Doom, maintenant. Dans la version Sega 32X de ce jeu-là, tricher ou utiliser l'option de sélection du niveau va faire que le jeu va se terminer après le niveau 15. Ça va afficher un générique et une fausse commande DOS. Tu sais, le DOS, le genre, le petit carré avec un petit genre du texte blanc sur fond noir. Là. OK. Genre, comme dans le bon vieux temps. Donc, ça fait ça après le niveau 15. Générique, fausse commande DOS et ça continue pas au prochain tableau. Ça fait juste comme s'il y avait pas de fin. Hein? Tu sais, parce que t'as triché. Ou que t'as sélectionné un autre niveau et t'as sauté des étapes. Ah, oh, fait que pour te punir, il l'arrête. Et voilà. Oh. T'as tout compris. Et tout ça sur la version Sega 32X, même pas sur PC où on s'attendrait de voir une commande DOS. Ouais. Sur le Sega 32X, on ne s'attendrait pas à voir ça. Ouais. Mais c'est ce qui arrive. C'est vraiment pour te dire, regarde, c'est pas supposé être en train d'arriver, c'est parce que t'as triché ce qui se passe là, t'sais. Mais est-ce que, mettons que tu veux te comment on dit ça? T'en sortir et revenir, te rédempter et recommencer du début sans tricher, mettons, là, tu peux-tu? D'après moi, faut que tu redémarres la console, que tu redémarres ta partie. Ah! Bon. Ça t'apprendra, t'sais. Ouais, puis t'sais, dans le fond, c'est pas si pire que ça, là. Ben non. T'as touché, ben alors fais-le sans tricher. Voilà, t'as couru après. Voilà. Dans la version Sega CD Special Edition du jeu Earthworm Jim, c'est le jeu qui met en vedette un petit ver de terre. Donc, il y a plusieurs codes qui vont changer la tête de Jim, le ver de terre. Une de ses têtes alternatives a l'air, ou en tout cas donne vraiment l'impression d'être la tête de Donkey Kong avec une flèche dedans. Donc, c'était pour faire un petit pin envers Donkey Kong Country qui était perçu comme un jeu qui... Genre, essayer de faire mieux que Earthworm Jim. Ouais. C'est sorti à peu près en même temps. Les deux étaient genre en graphisme un petit peu 3D. Ceux de Donkey Kong Country étaient pas mal plus évolués que ceux de Earthworm Jim. Donc, ils se sont payés la tête littéralement de notre ami Donkey Kong. Ouais, mais aujourd'hui, c'est Donkey Kong qui est plus gros. Ben voilà, Earthworm Jim, est-ce qu'on aurait entendu parler de lui? Absolument pas. C'est ça. Je me demande si ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de Earthworm Jim. Il faudrait que je vérifie, mais ça fait un mot, Tadine, debout. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, South Park, The Stick of Truth sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Plusieurs scènes, surtout celles par rapport à l'avortement et au probanal, ont été censurées dans l'Union européenne dans les versions consoles. À la place de seulement enlever les scènes, comme on s'attendrait, ces sections-là du jeu sont remplacées par une photo de la face du David de Michelangelo. Oui. Donc, la face de David, en train de se mettre la tête dans la main, comme genre, je suis découragé, devant un drapeau européen et avec un texte qui décrit en grand détail ce que la scène aurait montré. Ah, oh, mon Dieu, est-ce que c'est pire? C'est le fun, hein? Donc, les scènes sont aussi censurées dans la version australienne, sauf qu'à la place de voir le David de Michel-Ange, on voit un koala en train de pleurer. On localise vraiment les scènes pour le marché. Dans la version PC, par contre, ça a seulement été censuré en Allemagne, en Autriche, en Australie, à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan. Et toutes les autres régions, dont le Royaume-Uni, ont la version sans censure. Donc, la version pour PC n'est pas censurée dans ces pays-là. En fait, ouais, c'est ça, dans ces pays-là. Dans ces régions-là. Et finalement, GoldenEye sur Nintendo 64, on y revient. À l'origine, on était supposé recharger ses cartouches de fusil avec une façon vraiment originale, c'était d'enlever le Rumble Pack. Ça, c'est ce qui fait que la manette vibre. Okay. Il y a un petit genre de plugin qu'on met dans la manette sur Nintendo 64. Donc, on était supposé enlever la cartouche et la remettre à chaque fois qu'on voulait recharger son fusil. Oh. C'est cool, hein? C'est pour augmenter un petit peu le réalisme du jeu. Ouais. Mais finalement, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient ça trop gossant. Il trouvait que ça allait devenir plate de tout le temps changer ses balles, finalement. Mais non, ça aurait été genre super méga génial. Trop moi, cool, je trouve ça hein? génial, mais quelqu'un qui joue, mettons, à des sessions de GoldenEye pendant 10 heures de suite, il faut que tu changes tes balles à chaque quelques minutes, ça pourrait devenir un petit peu fatigant. Je sais pas. Ouais. Trop, ça dérangeait. À long terme. À long terme. Et en plus, selon Nintendo, à long terme, ça allait gâcher un petit peu peut-être briser la manette, en enlevant et remettant le Rumble Pack. C'était peut-être les circuits n'allaient pas tenir la route. Donc, ils ont décidé combinaison de trop gossant puis ça allait défaire le matériel. On a décidé d'abandonner le projet. Ben, coudonc. Voilà pour Stuff Fit Technician. Tout à l'heure, Mathieu Planchon, on va avoir évidemment la chronique CNX, le bulletin geek. La geekette en devenir s'en vient aussi. Oui. Alors, si c'était juste moi qui décidais, qui vous disait quoi faire, je dirais de rester là. Oui, restez là. Voilà, c'est MPS, le Mathieu Planchon sur C'est fou. zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Toujours le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Naya Picard aussi est là. Oui. T'es oui. Pas dans le titre, mais t'es là pareil. Ouais. Et maintenant, on avance dans Mathieu Plante Show. Il nous reste encore pas mal de chroniques. Alors, continuons à l'instant avec le bulletin geek Cynix. On avance. Le temps file. Donc, Cynix, le bulletin geek. Allons-y avec les premières nouvelles. On parle d'avancées technologiques comme on le fait toujours en début de chronique. En direct de... C'est vrai? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une avancée Non? On avance. Je te saisis moins que d'habitude à dire aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Ouais, tes blagues, tu sais. Mais pourtant, c'est des blagues à la Mathieu Plante, là. Merci. C'est normal que parce que mes blagues, personne n'y comprend. Fait que si tu commences à faire des blagues comme les miennes, personne ne va comprendre. Ben oui, là, mais est-ce que toi, t'arrêtes exposé de la comprendre? Là? C'est ça, nos cerveaux sont pas... En tout cas, malaise. En direct de San Jose, la conférence annuelle des développeurs utilisant les GPU NVIDIA. Donc ça, c'est les Graphics Processing Unit, truc patente. Lors du dernier keynote, donc ça, c'est un discours. J'aime les Français qui utilisent tout le temps les termes en anglais, il faut que je les explique. NVIDIA a choisi pour thème la science avec un neurologue à la manœuvre de ce keynote pour expliquer comment les jeux vidéo pouvaient aider à diagnostiquer ou même soigner les maladies du cerveau. Sur scène, donc deux individus, Mickey Hart, ancien batteur du groupe Grateful Dead, pour les connaisseurs, est équipé d'un Oculus Rift, ça c'est les lunettes 3D, et d'un casque avec divers capteurs mesurant l'activité de son cerveau, et un chercheur, donc ça c'est l'autre personne, un chercheur lui aussi équipé d'un Oculus. Le premier évolue dans un univers virtuel rythmé où il détruit des rochers spatiaux et flotte au-dessus de la planète bleue, alors que le second se plonge dans une représentation en 3D du cerveau du premier. En fonction des actions du batteur, les zones de la représentation virtuelle de son cerveau s'allument pour permettre au chercheur de mieux comprendre son fonctionnement alors qu'il plonge dans le cortex de son sujet. C'est beaucoup de détails, ça. Ouais, ça a l'air... On plonge dans le cerveau de la personne. On voit comment il fait pour... Voilà, synthétiser, ouais. Là. Si on veut. Adam Gazzali, je sais pas si c'est parent avec Nadia Gazzali, la rectrice de l'UQTR, fondateur du Neuroscience Imaging Center de l'Université de Californie, voulait ainsi expliquer à l'audience en quoi le jeu vidéo peut avoir un usage dans des domaines bien concrets et beaucoup plus sérieux. En ligne de mire, la façon dont sont traitées certaines des maladies de cerveau, donc un traitement chimique à base de pilules qui est bien plus générique que spécifique à l'individu et sa pathologie, d'autant que le médecin, une fois le traitement prescrit, n'a bien souvent aucun moyen de mesurer son efficacité. La célèbre revue Nature a ici évoqué l'an dernier le travail des équipes de Gazzali sous le titre Game Changer. Il s'agissait du projet Neuro Racer. Un jeu vidéo qui utilisé par le patient en conjonction avec les équipements adéquats permet de mesurer les progrès de ses performances cérébrales. Adam Gazzali a d'ailleurs créé sa start-up, donc une nouvelle compagnie, pour concevoir ce qui pourrait être le premier jeu vidéo sur ordonnance de l'histoire. Donc on pourrait prescrire ce jeu vidéo-là. Un travail de recherche qui ouvre des perspectives dans tous les cas assez inédites ou nouvelles sur les jeux vidéo et ses applications dans la vie de tous les jours. C'est un article beaucoup trop compliqué de Clubic.com. Allez le retrouver sur assemblagerequis.com. Mais bon, ça va faire avancer les choses pour ben oui, la c'est science. Ça. Ouais, c'est intéressant quand même. Hein? Ah, qui écrivent mal des fois. Mais on décroche un peu. Hein? Pénible. Des architectes français ont imaginé une maison originale construite en quelques jours à l'aide d'un seul tournevis électrique et entièrement composé de matériaux recyclables. Ça l'est plus qu'on le pense, je crois. Multipod Studio a imaginé une habitation particulière prête en quelques jours et entièrement recyclable nommée Maison Pop-Up. En attente d'un brevet international, le prototype est constitué de matériaux légers et ne nécessite pas l'usage d'outillage élaboré. La maison se construit en seulement 4 jours, simplement à l'aide d'un tournevis électrique. La base de la structure se compose d'une assise boisée qui recouvre des blocs de polystyrène modulaires destinés à offrir une bonne isolation thermique et acoustique. Les murs extérieurs et intérieurs se composent d'un cadre en bois fixé au moyen de vis galvanisées sur des blocs de polystyrène expansés, légers et sur d'autres supports boisés. Une fois montée, la structure est recouverte de panneaux de bois puis peinte pour offrir un aspect moderne. Ce prototype de maison a été testé dans le climat tempéré du sud de la France, donc c'est certainement pas pour l'hiver québécois. Mais quand même, allez voir la photo, ça a l'air vraiment d'une maison moderne. On dirait ouais, un petit condo. Beau. C'est joli tout en bois. On dirait que c'est tout vitré. Et en région provençale, comme la photo, c'est particulièrement joli. Ouais, c'est ça, là. Mais par exemple, on est passé au Québec. Là, bah, comme on dit, du coup... On va voir Fred. Ouais, Fred. Fred, du coup, Fred. Ah. Ensuite, un crâne imprimé en 3D implanté avec succès. Ah! Tu vois que tous les articles qu'on lit là sont français et ceux-là ont du sens alors que celui de Lubic ne tenait pas. Ouais, c'est ça. Les imprimantes 3D vont sûrement révolutionner notre quotidien dans les décennies à venir. Elles devraient aussi transformer la médecine. Selon The Dutch News, ils ont révélé qu'une équipe de chirurgiens, dans le fond, cette équipe-là, a implanté avec succès un crâne imprimé en 3D à une patiente de 22 ans. Mmh. L'opération réalisée il y a 3 mois a duré 23 heures et était vitale pour la patiente. Le crâne de la jeune femme devenait de plus en plus épais jusqu'à exercer une pression sur son cerveau. C'est malheureux pour elle. C'est vrai, ça, c'est son crâne d'origine, ça. Donc, celui qu'elle avait. Non? Elle avait une maladie. Voilà. Mais je comprends pas. Attends. Son crâne d'origine. Ils ont fait imprimer son crâne d'origine? Non, c'est ça. OK, on va recommencer. Ouais. Donc, l'opération réalisée il y a 3 mois a duré 23 heures. Okay? Bon. Et c'était vital pour la patiente parce que cette patiente-là, sa maladie, faisait que le crâne de la jeune femme devenait de plus en plus épais. Jusqu'à exercer une pression sur son cerveau, c'est vrai. Ouais, c'est bien bizarre, c'est ça, comme maladie. Donc, une équipe de médecins de l'Université de Utrecht, aux Pays-Bas, a décidé de remplacer la quasi-totalité de son crâne par une prothèse plastique imprimée en 3D. Wow! On a remplacé son crâne. Une société australienne spécialisée qui a fait ça. Les implants utilisés habituellement sont faits à la main avec une sorte de ciment, d'habitude. Pour vrai, on remplace son crâne par un crâne de ciment. Tu dois mettre une tête de ciment, mais c'est ça. Ouais. Cela n'a pas que des avantages esthétiques de faire en plastique 3D, mais ça permet aussi aux patients de recouvrir, ça veut dire se guérir, plus rapidement. Donc, on va recouvrir leur fonction cérébrale plus qu'avec la méthode traditionnelle. D'après Gizmodo, une opération d'une telle ampleur est une première mondiale. Et aujourd'hui, la patiente va bien. Et elle va voir, il y a une vidéo. Dans l'article sur assemblagerequipe.com. C'est quelque chose pour elle. C'est malade. Ouais. T'imagines, là, si... Tout qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout peut se faire avec des imprimantes 3D. C'est ça, le futur. Wow! C'est génial. Capote. Tiens, on va tous devenir des cyborgs, des androïdes, si on veut. Et en 2016, se tiendra à Zurich, en Suisse, le Cybathlon, la première compétition d'athlètes équipés d'appareillages bioniques. Oui, les technologies bioniques. Les technologies les plus évoluées de prothèses robotisées de jambes et de bras, les fauteuils roulants, les exosquelettes, les vélos et les interfaces cerveau-machine s'affronteront autant que les athlètes. Lors des Jeux paralympiques d'hiver qui se sont achevés le 16 mars dernier, les athlètes rivalisaient sur un pied d'égalité avec leurs prothèses de haute technologie, haute technicité et autres accessoires. À l'avenir, par contre, ils pourraient bien aller au-delà de ces athlètes valides, au-delà de ça, avec des prothèses bioniques. Ces sports augmentés par un système d'assistance robotisé malgré leur handicap s'affronteront le 8 octobre 2016 à Zurich en Suisse lors de la toute première compétition de jeux bioniques. Baptisé Cybathlon, cet événement est soutenu par 6 organisations spécialisées dans le suivi et le soutien aux personnes handicapées et par le National Center of Competence and Research Robotics, le NCCR Robotics. En plus de permettre à ces cyborgs de concourir lors d'épreuves sportives, la compétition a également pour objectif de sensibiliser le public sur l'évolution des travaux en matière de prothèses artificielles et de renforcer les échanges des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet. 6 épreuves, veux-tu en entendre parler quelques épreuves? Oui. L'épreuve pour avant-bras bionique. OK, c'est... Ça, c'est pour les athlètes qui sont amputés d'un avant-bras. Il va falloir, avec leurs membres bioniques, déplacer le plus rapidement possible un anneau le long d'un câble suivant un parcours sans jamais toucher ce câble. Hey, on dirait une épreuve de Fort Boyard. C'est ça! Une seconde épreuve consistera à manipuler des objets et accessoires de différentes formes de façon précise. C'est aussi l'épreuve pour les quadriplégiques, baptisée Brain Computer Interface. Cette compétition permet à des athlètes tétraplégiques de piloter par la pensée leur avatar lors de courses virtuelles sous la forme de jeux vidéo. OK. Très bien. La course cycliste pour les participants souffrant de lésions de la moelle épinière, donc les paraplégiques. Cette course cycliste sur une piste dont le tour mesure 200 mètres se déroule à bord d'un vélo couché doté d'une assistance à stimulation électrique. Oh. OK. Ensuite, l'épreuve d'athlétisme pour les amputés des jambes appareillées avec des prothèses robotisées. Il s'agit d'une course à pied sur un parcours semé d'obstacles. OK. La course d'exosquelette, ça, c'est des athlètes paralysés des membres inférieurs qui vont être équipés d'un exosquelette. Ça, c'est des membres qui bougent avec le contrôle de leur cerveau. Ça fait bouger leurs jambes. Donc, ça leur permettrait d'affronter sur une course de vitesse parsemée d'obstacles. Wow. Et finalement, l'épreuve pour fauteuils roulants motorisés, les amputés des deux jambes, les quadriplégiques et les paraplégiques, donc tout le monde ensemble, vont pouvoir concourir sur des fauteuils roulants animé par des moteurs électriques sur un parcours doté d'obstacles et de dénivelé. C'est vraiment très cool. Ben oui. Pour chaque épreuve du Cybathlon, une médaille sera attribuée au vainqueur, mais aussi au laboratoire qui aura réalisé le meilleur système d'assistance. Ah, tu vois? Ouais, c'est bon. C'est intelligent. Il faudrait savoir que, contrairement aux épreuves handisport classiques, donc ça c'est pour handicapés, l'équipe technologique n'est pas la même, n'est pas de mise dans ces épreuves. Donc là, attends un peu. Contrairement aux épreuves handisport classiques, l'équité technologique, voilà, n'est pas de mise. Ça veut dire qu'on peut essayer de battre l'autre compagnie. Donc, tu sais, aux Jeux paralympiques, il faut que tout le monde ait un maximum de dans le fond, tes prothèses peuvent pas être trop technologiquement avancées, sinon ça désavantage les autres. Ah, c'est ça. Il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. C'est ça. Jeu de mots pour les ouais, prix ici. Ils n'ont pas tous des prix. Mais bon, donc, on essaie de battre les autres compagnies. C'est ça qui est cool. Mais en même temps, c'est drôle, sauf que c'est... ben, je ne sais pas si c'est une vraie règle en tant que telle, mais... Je ne sais pas non plus. Je sais pas. Mais c'est normal en même temps de ne pas essayer de... Parce que sinon, c'est plus, plus l'athlète qui joue, c'est la prothèse. Genre. Ouais, dans le sens... l'athlète a un mérite. Ouais, c'est vrai, parce que là, je t'ai appris à le comparer avec... une compétition normale, là, mettons. C'est ça. Mais tu sais, parce que j'allais dire, si toi, tu décides de t'entraîner à tous les jours, mais que ton adversaire, lui, s'entraîne juste une fois par semaine, ben, gars, c'est sa faute à lui, tu sais. Ouais, dans le cas du physique, mais dans le cas d'un gadget, où est la limite? À un moment donné, ça va pouvoir... Tu vas pouvoir juste rien faire, aucune stimulation de ton cerveau et juste avancer, tu sais, à limite. T'sais. Et c'est ce que les Cybathlons veulent faire, dans le fond. Si l'athlète n'a absolument rien à faire et que le gadget lui-même gagne, c'est le but des Cybathlons, alors qu'aux Paralympiques, ben c'est oui, l'athlète qui est supposé être récompensé. T'sais. Ouais. Bref, le règlement du Cybathlon autorise, voire encourage les fournisseurs d'appareils à assistance robotisée à équiper les athlètes des technologies les plus avancées. Il faut simplement que les prothèses n'aient pas été développées uniquement dans l'objectif de remporter une épreuve. Il faut qu'elles soient faites pour être employées au quotidien. C'est le but des jeux. Pour qu'après ça, ils puissent, ben, pas les vendre, mais les faire utiliser au grand public. Exactement. Voilà. Maintenant, on va aller avec celui... Ah, tiens, ça, c'est cool. Non, j'allais le sauter, mais je le trouve trop bien pour le sauter. C'est la voix, premièrement, pas l'émission de télé. Ah, okay, non, non, non. Il y a une chose à préciser, parce l'outil que... L'outil qu'on utilise, notre voix. La, la. La, la, la, la. La voix est un élément clé de notre personnalité. On peut te reconnaître par ta voix. Exact. Encore faut-il disposer de cette voix. Ben oui, hein, imagine, Mathieu Plante, pas de voix. Imagine, ce serait tellement plaisant. La technique vocalisée, donc Vocal ID, d'accord, mise au point par deux chercheurs américains, Rupa Patel et Tim Burnell, consiste à redonner une voix aux personnes qui sont atteintes de mutisme, mais aussi à leur offrir une voix plus proche de ce qu'ils sont, d'accord? OK. Donc, une voix qui les représente bien. Le principe consiste, dans un premier temps, à collecter la voix des volontaires. Ensuite, le logiciel Model Talker va mélanger la voix du patient à celle du donneur et découper tous les propos en toutes petites unités de discours pour qu'on puisse recréer une voix, un discours normal. Donc, chaque mot que tu prends sont découpés et la personne va pouvoir, sur un clavier, utiliser ces mots-là pour parler comme toi. Ah. Au fond, ils vont avoir ta voix si elles se collent à leur personnage, à leur personne en tant que telle. C'est bizarre un peu, hein? Très bizarre. Oui. Une personne qui serait muette aurait donc la voix de Marie-Ève Picard ou la voix de Mathieu Plante. Ah. Donc, tous les types de voix sont nécessaires et aucune sera exclue de cette Human Voice Bank. Aucune voix va être exclue. D'accord, de cette banque de voix humaine. 2 à 3 heures d'expression sont nécessaires pour chaque donneur. C'est comme donner du sang, on donne sa voix. Ouais. L'enregistrement peut donner lieu à plusieurs séances de 15 à 20 minutes chaque, durant lesquelles le donneur lit des histoires ou des extraits d'œuvres qui rassemblent plusieurs mots. Donc, c'est des livres qui ont été trouvés par rapport au fait qu'il utilise plusieurs mots du vocabulaire. Que quelqu'un aurait besoin. Pour donner sa voix à Vocal ID, un simple formulaire est à compléter en ligne sur vocalid.org/contribute. Oh. Allez-y, vous pouvez le faire vous-même. Wow. Vocalid.org/contribute. Maintenant, la Google Maps qui vous dit où faire la sieste. On en parlait en intro, c'est fascinant, j'ai hâte d'en parler. Un groupe d'utilisateurs néerlandais de Google Maps a créé Google Nap, donc Google Sieste, pour, comme son nom l'indique, repérer sur une carte interactive les endroits les plus agréables et cool du monde pour faire une sieste bien méritée. Les endroits les plus cool pour faire des siestes. Mmh. Les meilleurs spots à sieste sont répertoriés par les utilisateurs en Europe du Nord, en Chine, au Portugal, en Indonésie, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Ça a été lancé aux Pays-Bas. Ce site-là. Pour que Google ne se mette pas dans l'idée de poursuivre le site devant les tribunaux, les créateurs ont précisé qu'ils ne pensaient pas porter atteinte à la marque Google. Ils voulaient juste s'amuser avec cette parodie. Donc, ça s'appelle Google Nap. Allez voir ça. Google Nap. Allons, je vais me lancer sur Google Nap. Je ne suis même pas allé visiter le site. J'aurais peut-être dû. Peut-être que j'aurais dû parce que je ne trouve pas sur Google le lien. Mais bon, le lien est sur assemblagehockey.com. Allez-y. Trouver des places au moins au Canada parce que je ne penserais pas qu'il y en a à Trois-Rivières. Hmm. Malheureusement. Allons-y avec Titanfall qui punit les cheaters, les tricheurs. Les joueurs bannis pour triche dans Titanfall se retrouveront coincés entre eux sur des serveurs dédiés à la triche. La version PC de Titanfall s'est vue envahie de tricheurs avant même sa sortie officielle. Rapidement conscient du souci, Respawn Entertainment a pondu une réponse à cet épineux problème, mettant à jour le système anti-triche Fair Fight qu'il utilise, et ce dès le 21 mars dernier. Une fois le cheater repéré, il se voit logiquement banni du jeu, mais peut néanmoins continuer à jouer. Respawn a mis au point un malicieux système parquant les utilisateurs de cheat entre eux sur des serveurs dédiés à la triche. Ils peuvent même inviter leurs amis non-tricheurs qui se retrouveront dans des petites, dans des parties complètement improbables où les aimbots s'affrontent sans relâche. Donc tout le monde se tire dessus dans cet enclos pour personnes tricheuses. Diffusée un peu trop discrètement, cette vidéo de Reroll est passée inaperçue. On y apprend que la première brique du jeu de rôle massivement multijoueur, en fait je pense pas que ce soit massivement multijoueur, on précise pas, c'est un RPG, de la compagnie Pixiole sera la réplique de Montréal. Et dans le scénario du jeu, ça va être également le point de départ de l'infection qui va provoquer la fin de la civilisation dans le jeu Reroll. C'est cool, si ce projet d'ancien de Ubisoft vous a échappé, sachez qu'il s'agit d'un RPG qui aura la Terre entière pour terrain de jeu, le globe étant progressivement scanné par des drones, intégré au moteur 3D et ajouté bloc à bloc à la carte du jeu. Un système de synchronisation permettra en outre de reproduire en temps réel les conditions climatiques de la vraie vie. Donc, allez voir ça. C'est la vidéo sur assemblagerequis.com. Et voilà pour le bloc Cynix. On va y aller avec la geekette en devenir en quelques secondes. On se prend une petite pause musicale avant ça. Un petit chip-tout, mais c'est très rapide. C'est notre ami Laffy the Fox. On le reconnaît parce qu'on le joue très, très, très souvent. Laffy the Fox and Super Robotic Encounters par Laffy the Fox. On écoute ça tout de suite. Et après ça, ben, c'est quoi? La geekette. La geekette. Devenir MPS, le Mathieu Plante Show. Eat Fireballs, collaboration entre Laffy the Fox et Super Robotic Encounters. Le téléchargement de la pièce est gratuit sur assemblagerequipe.com. Maintenant, ben tiens, ah, qui est-ce que je vois là? C'est la geekette en devenir. C'est la geekette en devenir, évidemment, on parle de Marie-Ève Picard. Eh oui, me voilà! Qui parcourt Internet pour nous trouver les choses qui ont de la classe ou qui sont féminines sur c'est Internet. C'est full classe. Full classe, oui, c'est full classe. Comme dire l'expression full classe. Ah oui, oui, oui. Full oui. classe à 10 dates. Ah oui, ah oui. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Oui. Alors, pour surprendre tout le monde, de quoi vais-je parler d'après toi, Mathieu? Tu commences par le bon vieux Disney. Oui, okay. Bravo, un okay. point. Merci. Yay. C'est pas ça que je devais dire n'importe quoi d'autre, genre tu vas nous parler de bouffe, tu sais, ou n'importe quoi d'autre. T'sais. Ah ouais, ça rappelle drôle aussi. Ouais, mais non, Disney, mettons. Ouais, c'est ça. Dis ta vraie réponse. On veut ça, c'est ce qu'on demande. On le sait, là, quand même. Là. Ça nous manque, hein, donc, pendant la semaine. Mais hein, jusqu'au mercredi, barre oblique, samedi, barre oblique, peu importe quand on va l'écouter ben en voilà. balado-diffusion. C'est toujours le fun. Ouais. Voilà. Donc Disney. Oui. Alors, pour commencer, Deviant Artist Kazami Sanshi a imaginé les princesses de Disney. En quoi, tu crois? Je sais pas, là. En zombie. En zombie, comme dans The Walking Dead. Oui, oui. Alors, comme les zombies sont à la mode, hein, ces temps-ci, c'est juste parfait. Oui, mais hein? ça, mais ça. Donc, si tu veux les regarder, on voit les princesses en zombies, okay. prêtes à se battre, vraiment. Hein? Et si on continue un petit peu plus loin aussi, il y a d'autres personnages là, de Disney, comme les personnages de Histoire de jouets. Okay. Ben, quelques-uns, là. Mm-hmm. Là, je n'aimerais pas toutes, là. Il y en a pas mal. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a ta belle Ariel, évidemment. Ah non! Ouais? Non, dis-moi pas que tu as tué Ariel. Ouais. J'aime pas ça. Non. Mais check-la, là. elle est quand même belle en zombie, non? Elles sont toutes belles. Tu sais? Les princesses sont. C'est pour ça qu'elles ont été créées, je pense. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle une princesse. Ouais. Parce qu'une princesse, c'est belle. C'est belle. C'est vraiment très belle, ce oui. que tu dis là. Oui, ben oui. Donc, le lien sur assemblagerequipe.com. Princesse, c'est féminin. C'est belle, ben c'est ça. C'est belle, donc, ben, une princesse, c'est belle. Si tu te demandes si ça se dit, ben dis-le, puis ça se dit, gars. Ben, c'est hein? ça. Moi, j'ai juste dit que c'était ça, bon. Hein? D'accord. Alors, suis-moi ou sois pas content. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Mange de l'érable. Oh, miam. Mange la tarte à l'érable. Oh, miam. Alors, tant qu'à parler de Disney, continuons ben oui. Dans cette même veine. On est bien parti. Ben oui, ben oui. Alors, c'est maintenant au tour de Mike V. D'imaginer les princesses de Disney. Mais ça, peut-être que tu vas aimer peut-être un peu plus ça. Mm-hmm. En personnage du jeu vidéo Street Fighter. Oh, le jeu de combat de ruelle oui. de rue Street Fighter, bien sûr. Exact. Donc, on les voit, là, elles sont comme toutes pixelisées. 8 bits un peu, style ouais, Nintendo Old School. Ouais, ouais, c'est ça. C'est beau, je trouve. Oui, j'aime ça. Moi, ce style-là, ça me convainc à tout coup. Mais t'imagines, là, mettons qu'il y aurait vraiment un jeu. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va avec créer ça? Le jeu avec ça. Parce que ça se fait, il y a des gens qui créent des jeux vidéo à tous les jours. Là. Écoute. Pourquoi pas, ça? Ça ferait une fureur. Ben oui, on devrait se mettre l'idée. Oh, on pourrait partir un Kickstarter là-dessus. Ben oui. Hein? Exact. Puis, et on ne se fera jamais poursuivre par Disney et par la compagnie qui fait Street Fighter. Ben là, on a juste à les nommer autrement. C'est ça. Ben là, il y a une différence, là. Il y a une mèche de plus dans son cheveu. C'est là. Fighting Street People. C'est vraiment pas pareil. Avec les Queens. Les Queens. Ou les princesses et des reines. Ah, ok, ok. Je sais pas, oui, j'essaie de trouver quelque chose. Oui, excuse. Mais on se comprend. Ouais. Ouais. Donc voilà. C'est joli. Eh oui. Et continuons maintenant. On va un peu changer de sujet, mais pas tant. Mais oui, mais pas tant. Moi, moi. On va continuer avec maintenant ce que j'aime le plus faire. Ruiner des souvenirs de jeunesse. Ah non, mais non. Mais non. En transformant des personnages de l'enfance en méchants. Ah, OK. Version badass, presque, on pourrait dire. Ouais, ouais. Ouais. Okay. Alors, Deviant Artist Tohad a fait ça. Hmm? OK. Et en fait, tu te souviens, mettons, si je te donne quelques exemples, les Razmoquettes. Oui, les Rugrats. Les Rugrats. Ça jouait ça à Canal Famille, les Razmoquettes. Ouais. Mm-hmm. Ben là, ils sont plus tout aussi charmants qu'ils étaient lors de la diffusion de l'émission. OK. On dirait qu'ils ont mangé, je sais pas trop quoi. Quelque chose qui les a rendus méchants. Oui. On reconnaît Tommy, Chucky. Oui, les jumeaux. Oui, les jumeaux, mais qui sont rendus siamois dans cette version-là. Oui, mm-hmm. Ils sont comme implanté, là, c'est génial. Là. Fusion totale. Fusion. Ah oui, c'est beau. Ouais. C'est ça que je cherchais. Qui d'autre? Je vois Calvin et Hobbes. La panthère rose. Oui, qui est genre une panthère maintenant méchante. Des crocs. Réel. Et là, si tu continues en boucle, Yoshi? Yoshi et Mario, mais là, c'est Yoshi le dinosaure et Mario le bébé, comme dans Yoshi's Island. Puis, comme s'il y avait volé, genre, bébé Mario. Oui! Puis, il s'en va avec. Ah, wow! Puis là, mais je pense qu'il veut le manger parce qu'il a comme l'air du faire un petit œil de l'arrière, genre. Ouais, en sortant la langue. Watch manger, out, là. Tantôt, toi. Va te manger. Ouais! Wow! Ouais. OK, ça, j'aime ça. Ça, c'était cool. Ah, c'est cool, hein? Ouais. Ouais. Et pour finir, Mathieu, parce que à un moment donné, faut finir. Hein? Pas le choix. Hein? Voilà. Manque de temps. Là. Mais oui, mais oui. quelque chose de plus geek, hein, pour te rassasier ton côté geek. Mon cœur de geek. Ton cœur de geek. Oh, c'est bien dit. Oui. Alors, une nouvelle application. OK. Oui. Ça s'appelle Cloak. Cloak. Cloak, comme dans Cap, protection. Genre se cacher derrière quelque chose. C'est ça, ouais. Exact, exact. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet d'éviter de croiser quelqu'un qu'on ne voudrait pas croiser. Tout le monde a besoin de ça, là. Ben oui, oui. Tu sais, combien de fois tu dis, là, si je sors, là, je vais croiser celle-là, fait que là, il faudrait pas que j'y aille. À chaque jour. Tu sais, hein, ouais. Hein? Et c'est rarement une fille. Ouais. Ah, OK. Ben, au moins, celui-là. Hein, ben, c'est ça. Bon. Ouais. Donc, ben, par exemple, la seule chose, c'est seulement pour iPhone. Ben, bon, du donc, moins, Android, racisme encore. Ouais, mais en tout cas, du moins pour l'instant, hein. Mm-hmm. On sait jamais. Avec fois, le succès, ça pourrait venir. Ben oui, c'est ça. Si vraiment ça marche très bien, pourquoi pas? Donc, ça utilise la géolocalisation des différents médias sociaux pour voir où sont tes contacts. Okay. Mais évidemment, ben, attends. Quand, en fait, ce que ça fait, là, c'est que quand un contact se rapproche, tu as une alerte là, qui est émise ou un message texte, là, ça dépend. Et évidemment, là, ça c'est ça l'affaire, c'est que ça fonctionne juste si tes contacts, ils s'identifient où est-ce qu'ils sont assez rapidement, tu sais, souvent, puis qu'ils le disent, là, tu sais, mettons, comme moi, qui écrit jamais où est-ce que je suis, tu sais, ça marcherait pas, là. La personne me croiserait, puis elle serait pas contente, mais, tu sais, quelqu'un qui dit tout le temps, j'étais à telle place, il se pine, là, il se... Ben, c'est ça, mettons, il va dire, bon, je suis logué à tel endroit, tu sais, ouais, ou mettons... Tu prends tout le temps des selfies de toi-même sur Instagram. Exact. Donc, ça va dire, OK, à cause d'Instagram, je sais qu'il a passé une photo ce matin à 9h11. Mm-hmm. Fait que s'il est 9h15, il est probablement encore là. Ouais, exactement. Okay. C'est une bonne déduction. Cool. J'aime ça. Ouais. Alors, ben écoute, l'avenir nous dira si ça marche bien vraiment. Mais effectivement, pour que ça marche, il faut s'identifier. Voilà, il faut que les gens se servent de leurs réseaux sociaux pour le dire. Mais c'est une bonne idée. Cloak, hein? C-L-O-A-K, oui, très très bonne idée, C-L-O-A. Mais en même temps, sur iTunes. Oui, oui, excuse. Mais en même temps, ça fait un peu stalker, un peu. Un petit peu, oui, c'est ça. Pas mal beaucoup même. Ouais. Stalker, ouais. Espionneur, ouais. Qu'est-ce que tu dis? Espionnage. Exact. Donc voilà, c'est tout? Oui, ben oui. Geek est en devenir, de retour la semaine prochaine avec un autre série de liens. Merci, oui. Marie-Ève Picard. De rien. Nous, ça va nous amener à la fin du Mathieu Plante Show, malheureusement, oui. On se retrouve jeudi, mercredi, voyons notre fidèle jeudi, entre 16h et 17h. On rappelle les samedis à 15h. Consultez la programmation sur cifre.ca. Retrouvez les notes et les liens sur assemblagerequis.com. Bien sûr, balado diffusion là-dessus aussi. Encore une fois, merci, Marie-Ève Picard. Hey, merci, Mathieu Plante. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Sayonara.